Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir opté pour la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de sommet crédit dont voici le sommaire. Les victimes des inondations de Gatumba qui s'installent actuellement dans le site Kinyinya 2 sont sous menace des moustiques à cause d'un mauvais état de leur abri. Notre collègue s'y est rendu et va nous décrire la situation. La province Kirundo est approvisionnée actuellement en 15 tonnes de sucre au lieu de 70 tonnes par mois. Et le gouverneur de la province appelle à la transparence et équité dans sa distribution. La chronique haine de Sommet Crédit parle de l'origine des messages de haine au sein d'une communauté. Voilà pour les titres. À la présentation, c'est Vestine Boutoyi. À la cabine technique, vous êtes avec Albert Ndouaille. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. La Fédération nationale des organisations œuvrant dans le domaine de l'enfance, FENADEB, demande la libération d'une dizaine d'enfants arrêtés dimanche passé avec des adultes adeptes des EBI. Le secrétaire général de cette fédération trouve que c'est une violation des droits de ces enfants, d'autant plus que certains sont des écoliers. Des enfants ne devraient pas être victimes de l'appartenance religieuse des parents. Martel Salvatore Ndabadzerutse. On l'écoute au téléphone avec Mireille Kanyang. D'abord, il faut reconnaître que le droit à l'éducation de ces enfants a été bafoué par ceux-là même qui étaient censés les protéger au premier rang, donc c'est-à-dire les parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regretter. Et nous demandons par là la libération immédiate de ces enfants pour qu'ils puissent regagner les écoles et familles. Donc nous interpellons l'État, les défenseurs des droits humains, en particulier les droits des enfants, de tout faire pour que ces enfants puissent se retrouver et regagner leurs écoles et familles. Nous demandons également à l'administration et aux défenseurs des droits de l'enfant de surveiller, de tout mettre en œuvre pour qu'aucun enfant ne continue d'être victime de l'appartenance religieuse de ses parents. Parce que des fois, si on demandait aux enfants de choisir l'appartenance religieuse, peut-être qu'ils choisiraient une autre religion à part celle de ses parents. Voilà, il faut aussi prendre en compte le droit à la participation des enfants. Donc, concerter ces enfants, peut-être qu'ils n'auraient pas dû accepter de partir avec l'un de ses parents. Donc, c'est aussi le droit à la participation qui a été bafoué. 36 personnes, dont les 17 enfants, ont été arrêtées dimanche en commune Musigati de la province Bubanza, alors qu'ils se dirigeaient vers Businda en province Kayanza. L'autorité communale a indiqué à la presse que ces adeptes de Zébi ont outrepassé les conseils prodigués relatifs à leur prière. Une peine à perpétuité a été prononcée par le tribunal de grande instance de Chibitoke à l'endroit d'un homme d'une cinquantaine d'années accusé de violer une fillette de 5 ans. C'était ce mardi lors d'un procès de flagrance. Le président de ce tribunal a promis l'intolérance des viols commis à l'endroit des enfants. Les sinistrés vivant dans le site Kinyinya 2 déplorent les mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils sont. Ils expliquent qu'ils sont victimes du vol, ces victimes des inondations, indiquent que leurs tentes sont usées, ce qui fait qu'ils soient sous menace des moustiques. Ils demandent l'intervention du gouvernement Yvette Nijimbele. Le site Kinyinya 2 abrite plus de 1300 ménages victimes des inondations. Ces sinistrés ont dit qu'ils sont victimes de vols. Nous sommes vraiment malheureux. Dans ce site, il est impossible de conserver nos habits. Des voleurs viennent et emportent tout, même nos casseroles. Des fois, on trouve des serpents sous nos nattes. Nous dormons à même le sol et nos tentes sont usées. La déprivation des mœurs inquiète les parents qui vivent dans ce site. Ils se demandent comment éduquer leurs enfants. C'est même difficile d'éduquer nos enfants. Nous ne dormons pas dans les mêmes tentes. Nos filles peuvent être victimes de viols, alors que si nous étions à la maison, leur surveillance serait facile. Ces victimes des inondations sont menacées aussi par les maladies liées au froid, par manque de couverture. Mais ils apprécient qu'ils se soignent gratuitement. Que le gouvernement ait pitié de nous, nous souffrons du paludisme, même des maladies liées au froid, par manque de couverture. Ce mardi, le ministre de la Santé, Tadé Ndikumana, a effectué une visite dans ce site. Des appuis en médicaments et des moustiquaires ont été octroyés à ces familles. Chaque famille a reçu des moustiquaires. Isanganiro. Il est 13h de la radio Isanganiro. Le journal continue. 15 tonnes du sucre est une quantité reçue par la province Kirundo au lieu de 70 tonnes par mois. Le gouverneur de cette province, Albert Atungimana, demande la transparence et l'équité dans sa distribution. Il l'a dit ce mardi lors d'une réunion de sécurité tenue au chef-lieu de cette province suite au cas de tuerie perpétré ici et là dans les communes. Il était avec Abraham Safari. Comme l'indique le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana, la quantité de sucre qui était donnée à la province de Kirundo avant sa pénurie était de 70 tonnes. Peu après, la quantité a diminué jusqu'à 50 tonnes, mais actuellement la Sosumo ne donne que 15 tonnes pour toute la province, continue cette autorité, raison pour laquelle des lamentations sont multiples au sein de la population. Toutefois, insiste-t-il, même si la situation se présente comme cela, aucune raison d'augmenter le prix du kilo de sucre, car la Sosumo n'a pas revu en hausse le prix du sucre. Ici, des informations affirment que certains commerçants vendent à 7000 francs le kilo. Le gouverneur de la province de Kirundo les met en garde que quiconque sera attrapé aura des sanctions exemplaires et conformément à la loi. Tout cela a été dit ce mardi dans la réunion de sécurité tenue au chef-lieu de la province de Kirundo suite au cas d'insécurité où des tueries se sont parlées ici et là dans les différentes communes de Kirundo. Le gouverneur a interpellé tout un chacun d'être responsable de la sécurité. Les autorités administratives, policières et judiciaires ont beaucoup parlé de la fraude qui s'opère dans les communes de Busoni, Bugabira et Nega, les communes frontalières du Rwanda. Les chefs des collines ont été mis en garde qu'en cas de l'appréhension de la fraude sur une telle colline, le responsable de cette dernière sera sanctionné jusqu'à sa destitution. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safar. Deux projets de loi portant respectivement dons de 20 millions de dollars offerts par la Banque africaine de développement et un prêt de 20 millions de dollars donné par l'OFID sont à l'ordre du jour pour être analysés par les députés ce mercredi. Le ministre Diogui Derulema, ministre de l'Agriculture et l'Élevage, est l'invité du jour pour défendre le gain pour le Burundi. Diogui Derulema, dans la présentation des motifs, a expliqué que ces projets vont contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, nutrition et augmentation des revenus des populations. Le premier projet concernera trois provinces, à savoir Muyinga, Kirundo et Ngozi, tandis que le prêt du projet OFID concerne cinq provinces du pays. Parle, rassure-moi. Les conditions difficiles génèrent toujours des messages de haine au sein d'une communauté. Lambert Akouziale, anthropologue, dit que cela montre un pays où des gens vivent le traumatisme et des événements douloureux du passé. L'établissement des responsabilités individuelles, selon cet anthropologue, a moyen d'éviter les accusations gratuites au Bénin-Mou. Les conditions difficiles favorisent souvent la recrudescence de la propagation des messages de haine. Selon Lambert Akouziaremye, cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont le manque de stabilité morale des gens. Là, cet anthropologue fait savoir que l'on fait référence au passé douloureux du pays. Parmi ces facteurs, il y a effectivement l'instabilité qui reste toujours dans le cœur des Burundais, et surtout en faisant référence au passé, mais aussi en faisant référence à certaines résurgences des divisions à la fois ethniques mais aussi politiques. Alors, quand il y a un incident, et surtout qu'il y a des gens qui se sentent non pas intégrés, il faut commencer à chercher des espaces pour pouvoir s'exprimer, mais aussi pour remettre en cause l'une ou l'autre catégorie des gens. Comme ça, on sème la confusion, mais aussi la terreur. Pour lui, les autorités habilitées devraient établir des responsabilités sur tous les forfaits, ce qui, selon Lambert Akouziaremye, permettrait d'éviter des accusations gratuites. Dans des moments pareils, c'est bien que les autorités administratives, mais aussi les autorités en charge et à la sécurité dans les attributions, puissent travailler pour chaque fois mettre en évidence la réalité des choses ou des faits qui se sont passés. Parce que quand les gens connaissent la vraie réalité des choses, ils auront moins tendance à pouvoir se donner des hypothèses, et souvent des hypothèses qui sont fausses, et souvent aussi des hypothèses qui ravivent toujours la haine entre la population burundaise, soit en se focalisant sur les identités ethniques, mais aussi sur les divisions politiques. Et quand un événement quelconque secoue le pays, il conseille aux gens de rester soudés. C'est pourquoi, quand il y a les incidents qui passent, bien évidemment, la population devrait attendre la vraie version des autorités officielles. Et là, il faut interpeller cette fois-ci les autorités de pouvoir s'investir, juste communiquer ce qui s'est passé. Comme ça, la population n'aura pas ce courage de proposer justement, juste après, des hypothèses. Cet anthropologue prône pour l'usage des messages rassembleurs, même dans des circonstances difficiles. Sinon, il conclut en disant que si ces messages de haine se pérennisent, la société évolue vers l'éclatement d'un conflit de masse. Les chefs des collines et la population tout entière d'Ngozi sont appelés au traçage de pare-feu en vue de protéger plus de 4000 plants d'arbres plantés pour lutter contre les feux de brousse et durant cette année sylvicole et d'autres boisements publics de cette province en cette période d'été. Appel lancé par les responsables provinciaux de l'Office burundais pour la protection de l'environnement qui déplore plus de 200 hectares de forêt partis en fumée l'année passée. Apollinaire Muzagar. Comme l'indique Laurent Mounet-Zero, responsable provincial de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, 4 300 000 plants d'arbres ont été plantés durant cette année sylvicole 2020-2021 en province Ngozi, des plantations qui se sont ajoutées aux autres 10 domaines publics existants dans cette province. Il parle donc d'énormes pertes en cas de feu de brousse dans ces boisements, comme ça a été le cas l'an passé où 230 hectares ont été réduits en cendres. Cela s'est produit alors que l'année sylvicole 2019-2020 n'a enregistré aucun feu de brousse dans cette province. Laurent Mounet-Zero de l'OBP Ngozi parle des échéances électorales de l'an passé qui ont détourné l'attention des responsables collinaires comme raison de la flambée des incendies des forêts à cette période. Il demande à cet effet aux conseillers collinaires, comité mixte de sécurité et même toute la population l'appropriation de la protection de ces boisements en traçant pendant les travaux communautaires des pare-feux et l'intervention rapide de tous en cas d'incendie. Il les invite également à la surveillance mutuelle quitte à mettre la main sur quiconque ferait la sourde oreille en vue des sanctions dissuasives. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganir. Merci Apollinaire Muzagara. Certains feux tricolores se trouvant au centre-ville de Bujumbura ne fonctionnent plus. Les chauffeurs qui se sont entretenus avec la radio Sanganiro disent que cette situation a provoqué la recrudescence des accidents routiers. Ils demandent aux instances habilitées de régler cette affaire. Raissa Liliane Namaor. Dans les différents endroits se trouvant dans la ville de Bujumbura, les feux tricolores ne fonctionnent pas. À titre d'exemple, c'est sur la route Bujumbura-Lumonge, près du petit séminaire d'Okanyosha, devant le monument du soldat inconnu. La situation est pareille sur la chaussée du prince Louis Gwagasore, au rond-point, se trouvant devant les banques Bankobo et CRDB. Ces dysfonctionnements des feux tricolores s'observent également sur le boulevard de Luprona, près de la polyclinique centrale. Certains des conducteurs font savoir que cette situation a provoqué l'augmentation des accidents routiers, comme l'indique celui-ci. Le problème, c'est très grave parce que les feux tricolores nous ont aidé beaucoup de situations. Mais pour le moment, ça ne travaille pas. Ça nous mène d'être vraiment dans mauvaises conditions. Quelles sont ces conditions? Les conditions, d'abord, pour l'embouteillage et arriver tardivement au travail et avec des problèmes avec les gens qui nous travaillons ensemble, par exemple les patrons. Des choses comme ça. Ça fait beaucoup des accidents, l'absence d'effets tricolores. Il demande aux instances habilitées de trouver solution à ce problème. On demande à notre gouvernement, parce que c'est là où nous tous on peut courir pour demander l'aide. Ils nous poussent vraiment à nous aider, de regarder cette chose, de les mettre en ligne vraiment. Malgré cela, les feux tricolores sont fonctionnels dans certains endroits, notamment devant la société Braroudi, devant la zone Buyenzi, ainsi que devant la station dit Kwakatikati. Merci. Raissa Liliane Namahoro, des femmes de la colline et Chacha en commune et Guiharo de la province de Rutana, divergent sur le concubinage. Certaines trouvent qu'il s'agit d'une injustice, tandis que les autres trouvent ce phénomène normal. Toutefois, il demande aux services administratifs et judiciaires de réprimer ce phénomène social. Pascal Nguirene, chef collinaire de Chacha, reconnaît l'existence du concubinage sur sa colline, mais rassure que les concubins ont diminué grâce aux réunions de sensibilisation et l'inibé. Sur la colline Chacha, en commune Guiharo de la province de Rutana, les femmes en situation de concubinage divergent sur ce phénomène. Cette femme témoigne que depuis qu'elle a concubiné, elle connaît des problèmes. Elle dit aussi qu'elle ne voit pas comment saisir la justice. D'autant plus que la deuxième femme continue de se reproduire. J'ai eu des difficultés de vivre séparément avec mon mari car il a pris une concubine. À cet effet, il ne se soucie plus de nos enfants. Je suis seule à les nourrir. Mon époux a d'autres enfants avec cette deuxième femme. Comment puis-je porter plainte à la justice alors qu'il continue à faire des enfants avec sa nouvelle concubine? Une autre femme dit qu'au début, son mari l'a maltraitée jusqu'à ce qu'elle parte chez sa famille et l'époux a épousé une autre femme. Aujourd'hui, elle trouve cette situation normale, expliquant que le mari traite ses femmes de la même façon. Il a épousé une autre femme, j'étais chez mes parents. Pour le moment, nous sommes deux femmes dans le même homme. Nos maisons sont en tôle, nous avons tous des chèvres, des porcs et des poules. Franchement, nous n'avons aucun problème, il passe la nuit où il veut. Toutefois, une autre femme a vécu en concubinage avec un veuf qui aujourd'hui est père de 17 enfants. Elle regrette que pour que son mari passe la nuit chez elle, il doit se cacher et souvent étant ivre. En cas de reproduction, c'est difficile d'élever ses enfants, dit-elle. Quand il arrive chez moi, il vient comme un voleur, étant ivre. À ce moment, je peux concevoir, alors qu'il n'est pas prêt à m'aider durant la période de la grossesse. J'ai mis au monde cet enfant. La concubine a 5 enfants. Il y a les 5 enfants qui étaient là. Alors, combien d'enfants pour cet homme? Le chef de colline, Chacha, affirme que des cas de concubinage existent encore. Pascal Ngirene estime que les chiffres ont diminué grâce aux réunions de sensibilisation et une association des femmes contre le concubinage, mais qui n'a pas été bien accueillie. Sur cette colline, 12 ménages sur environ 480 connaissent le concubinage sur la colline. Selon les habitants de cette colline, il arrive que même un chef collinaire soit concubin en commune Guiharo de la province Rutana. Merci. Elini Benibigira, réagissant sur ces cas de concubinage qui s'observent surtout dans les communes Guiharo et Mingakayove, le gouverneur de la province Rutana reconnaît le fait et dit que des sensibilisations ont été menées auprès de la population par l'administration en partenariat avec certaines associations féminines pour juguler ce phénomène, ce qui a permis, ajoute-t-il, la diminution de ces cas. Olivier Nibitanga indique aussi que certains cas sont conduits devant la justice et que des sanctions sont prises, même s'il reconnaît que l'ampleur reste moindre. Il promet de continuer des sensibilisations pour conscientiser la population sur les conséquences néfastes de son comportement sur les familles et la société. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et excusez-nous pour des imperfections. Merci à Albert Douaille pour la collaboration technique. Vestine Boutoui, j'étais à la présentation. Passez un bon après-midi. Au revoir.